Je prends l'initiative, c'est ma première tentative. Je gonfle le torse, lors de mes entorses, je décuple ma force. Hein. Pique à fond par en pique-nique. On évite la casse, on évite les clashs, on avance avec classe. J'assèche des glandes salivaires, je remplis mon casier judiciaire, je vise des poils capillaires. On tire pas à blanc, on fait pas semblant.